Et ça tourne. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur La Bonne Franquette, l'émission de radio qui se fait sans sujet apparent. C'est vrai que tout ce qu'on débite est absolument aléatoire. Ah oui, vraiment. Si je peux me permettre, mon cher ami, descends peut-être ton micro plus vers la bouche, tu vois, qu'on t'entende mieux. Que nos auditeurs puissent profiter pleinement de ta voix savoureuse. C'est si long. petit préambule, on espère que vous allez bien. Nous, de notre côté, on va très bien, sauf Vincent qui, suite à tous les épisodes qu'on a fait, est tombé dans une profonde dépression à cause de mon personnage. Qui était légèrement un peu trop piquant. J'aimais bien jouer sur ce fil un petit peu, on va dire, je pourrais dire controversé, parce que tout le monde se fout de podcast en fait. mais voilà, j'aimais bien faire un personnage un peu agressif, un peu incisif. Mais en réécoutant quand même pas mal d'épisodes, je suis parfois, même assez souvent, trop dans le... Ce qui est une forme d'humour aussi, mais je pense que dans un format où on est dans une discussion, c'est pas forcément agréable. T'es trop un bully. I'm a real bully. Give me money, now. Effectivement, on en a rediscuté. Et c'est vrai qu'on est parfois un petit peu virulent avec certains sujets. Bon, après, ferme ta gueule. Ça, pour moi, c'est virulent, par exemple. Ah bon, ça, bah, t'aurais pu te retenir pu... de ouais. dire, sale grosse merde. T'as bien dit sale grosse merde. C'est peut-être un peu violent. <c'est... rire> Bien, enfin, en tout cas, voilà. C'est juste qu'à ce niveau-là, on va faire quelques efforts pour être un peu plus dans la discussion et un peu moins dans l'assassinat, en fait, c'est vrai. Finalement. C'est vrai. Est-ce que ça va, Vincent? Comment vas-tu? Bah écoute, ça va super. Est-ce que je dois dire ce que je fais en ce moment ou Fais-toi plaisir. Et je crois qu'on a un petit running gag, hein. Alors. C'est... Non, on n'a pas de running gag du tout. Non, ça me fait plus rire. Allez. T'étais trop incisif la dernière fois. you cry like a bitch. Là, c'est toujours un peu violent. Bienvenue dans le premier podcast violent sur la violence. Exactement. Je t'ai pas donné. Attends, mais. Alors, comment vas-tu? Que fais-tu? Dis-nous tout. Écoute, en ce moment, ça se passe plutôt bien. Hein. J'ai une routine un petit peu qui s'installe, on va dire. Le matin, je vais à la salle de sport. Je commence à travailler en revenant. Après, je me prends mon petit repas. Je continue à travailler l'après-midi. Le soir, je fais des trucs, somme toute, agréables. Du style, soit jouer aux jeux vidéo entre amis, soit venir te voir, ce qui arrive à peu près tous les jours, genre on se voit tout le temps en fait. C'est vrai, qu'on m'apprendrait que tu es ma meuf, que ça ne m'étonnerait même pas. Ah bah. On m'apprendrait que j'ai pas le bon sexe, ça me... Je me dirais, bon, c'est étonnant quand même ça. Ça serait étonnant. Mais après, qui sommes-nous pour juger? On est en 2019, vive le progrès. Voilà. Toi alors, comment vas-tu, Quentin? De ton petit nom. Comme vous avez pu l'entendre, je suis là de cette vie. Non. Attends, t'as dit quoi, Quentin Crepon ou quoi? De son nom. De son nom, de mon nom d'ailleurs. Il n'est pas le tien, je le rappelle. Hein. C'est pas le mien du tout. Parce que c'est le mien en fait. Bah oui. Tu t'appelles Crepon? Moi non, c'est Vincent Weigel, donc vraiment pas grand chose. C'est le mien, ouais, effectivement. ça va très bien, je suis extrêmement fatigué aujourd'hui. pour un cri qui voulait dire je vais bien, ça avait plutôt l'air de dire l'inverse. Un appel d'aide. il sous-titre dans le film genre aidez-moi. Appel à l'aide, tu sais. Et après le gars il fait non, ça va. non, ça va très bien, j'ai dormi très peu aujourd'hui, enfin depuis la semaine dernière, je dors très peu parce que j'ai énormément de projets qui se bousculent au portillon. Ouais, comme clips, on dit en et... 1700. Beaucoup de clips effectivement. Là aujourd'hui, il y a un clip qui est sorti, Atek déjà mort 3. Un clip très cool dans son design. Un peu incisif, le titre, je trouve. À cause du mot déjà, hein. Ça fait ouais, redondance, déjà, ouais. Ça fait vraiment en plus, encore. Plus 3, surtout 3. Je quoi. Déteste le 3, je suis né un 3 juin, t'as vu ce que ça a donné. Donc voilà, donc sinon à part ça, ça va tranquille, je vais pouvoir faire une nuit complète cette nuit et ça, ça fait plaisir, c'est important. Jusqu'à récemment, je dormais très peu la nuit parce que je me disais c'était une perte de temps. Et en fait, le problème, c'est qu'on se rend compte que on se rend compte quand on dort bien que le sommeil, en fait, est une variable extrêmement importante. Dans la productivité, ouais. Même dans la bonne humeur et la joie de vivre. Hein, parce qu'il n'y a pas que la productivité, ça compte, mais la productivité, ça compte. Tu vois. mais le bien-être et la bonne humeur sont tout aussi importants, voire plus. C'est vrai, exact. Bienvenue sur France. Soyez heureux plutôt que productif. Travaillez aussi parce travaillez que aussi, sinon hein. Vous ne serez pas heureux parce que vous serez à la rue en fait. Ouais, donc, c'est moyen heureux. Mais soyez plus productif que heureux en fait. En fait, travailler, si ça ne vous rend pas heureux, c'est pas grave en fait. Voilà, si c'est une corvée et vous vous dites oh non, je ne veux pas retourner au travail, c'est parfait. C'est si ce vous qu'il dites faut. Je vais me tailler les veines à cause de ce boulot, c'est nickel. Mais par contre, c'est vrai que je ne sais pas si tu as remarqué ça, mais je trouve que le mot. Travail. Je sais pas si vous avez remarqué. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on est dans attends, une émission de podcast. Le travail, c'est pas un truc de fou, ça, le travail. Eh, c'est trop. Genre, tu sacrifies ton temps, t'as de l'argent, c'est pas un truc de fou. Non, mais en vrai, le travail en France, je trouve qu'il a une vraie dimension de corvée, de souffrance, tu vois. Oui, oui, grave. Alors que je vais vérifier tout de suite. Grave. Eh, grave. Eh, le travail. Alors, eh, c'est trop ça, frère. Alors que je vais vérifier tout de suite, mais a priori la définition même de travail n'a rien à voir avec la corvée. Corvée effectuée en vue d'avoir une récompense. Travail, nom masculin. Activité de l'homme appliquée à la production, à la création, à l'entretien de quelque chose. Activité professionnelle, régulière et rémunérée. Donc oui, effectivement, il n'y a rien qui est vraiment... Ah, t'as vu, ils mettent que c'est forcément... Enfin, dans la définition, il y a marqué rémunéré. Ça veut dire que quand tu fais un truc pour un ami ou quoi... C'est pas du travail. Eh ben, tous les gens qui veulent pas payer les photographes, les graphistes et tout se frottent les mains, j'ai envie de dire. Mais attendez, c'est dans le dictionnaire. Si je te paye pas, c'est pas du travail. C'est un échange de bons procédés. Bah ouais, mais qu'est-ce que tu m'échanges en fait ? Bah moi, je te fais de la pub. Hein. Si je mets tes photos, ça te fait de la pub. Attends, j'ai quand même 400 abonnés, ça te fait de la visibilité. Ah cool ! Bah je vais payer mes factures en nombre d'abonnés de Twitter, alors c'est parfait. Exactement. Attends, j'appelle mon propriétaire. Allô, monsieur le propriétaire ? C'est toi le propriétaire. Oui, allô, oui, bonjour, monsieur Écrepon. Comment allez-vous ? Vous allez bien, monsieur Gorillac ? Oui, oui, c'est moi, monsieur Gorillac. Je vais très bien, effectivement. Je suis votre propriétaire, je le rappelle. Ah, ça, bah, je vous appelle, j'ai dit votre nom de famille et je sais que vous êtes propriétaire, donc pas besoin de me le. Oui, me oui, après, bon, c'est bien de le rappeler pour le sketch. Enfin, le. Fin oui, de... je vous appelle pas pour ça, de toute d'accord, façon. D'accord, ok, oui. Dites-moi. Dites-moi. Je fais un AVC, monsieur Gorillac. Appelez l'ambulance. Attendez, je raccroche. Allô, les urgences ? Oh, oui, c'est les urgences. Que puis-je pour vous ? Alors, j'ai mon locataire qui fait un AVC. Ça va. Je l'avais au téléphone, mais oui. Là, je sais pas vraiment où il est, donc qu'est-ce que je dois faire ? Eh ben, écoutez, raccrochez et rappelez-le pour lui demander où il est. Ok, je vais faire ça. À tout de suite. Oui, monsieur Écrepon, vous m'entendez ? Vous faites un AVC, vous êtes où, monsieur Écrepon ? Aidez-moi à appeler une ambulance. Oui, oui, mais il faut que vous me dites où vous êtes, là. Je peux pas deviner, monsieur. Dans le lit de votre femme. Bouya ! Ah, bah, on est parti tellement. On parlait de quoi, déjà ? Ah oui, t'appelais ton propriétaire ouais, ouais. Pour lui dire « je peux vous payer en... » Ouais, je doute fortement qu'il accepte. Je vais essayer avec mon propriétaire tout de suite. Ah, ben il a pas voulu. En tout cas, ça fait plaisir, franchement. Et ces petites shops de breuvages frais, ça fait plaisir. Oui, c'est pas de l'eau, hein, c'est du Sprite parce que bon, on est un peu alors, habitué au sucre. Sprite, une autre marque vite. Coca-Cola, cite-moi Fanta. Trois marques de boissons gazeuses à base d'agrumes. Orangina, Schweppes. Fanta. Fanta. Voilà, parfait. Oasis et d'autres. Nickel. On super. Évite tout placement produit. Ouais. N'hésitez pas quand même à nous payer un maximum d'argent, vraiment des comment millions. Comment ils peuvent faire pour nous payer de l'argent ? Pour nous payer de l'argent, pas bah, déjà. C'est-à-dire que tu leur donnes 5 euros, ils te donnent 5 euros pour les 5 euros. C'est complètement stupide. C'est stupide. Non, mais on n'arrête pas de faire cette blague parce qu'on est, tombé sur un gars qui s'appelle Spice Adams, qui est un ancien joueur de NBA, je crois, ou de, non, de NFL, pardon. Et qui c'est devenu un mème. C'est Twitter. Devenu un mème parce un que c'est, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais c'est, il est souvent au téléphone ou alors il est dans une situation et il rigole de cette façon. Et on l'a vu dans plein de. C'est vraiment trop drôle. Space Adams sur Spice. Spicy, Adams. C'est pas Spicy Adams? Non, c'est Spice Adams. Ok. British about this. Quoi? Ah, non, rien. bref. À part ça, de quoi, je sais même plus de quoi on parlait. Attends, c'est vraiment le podcast le plus confus de la planète. Non, en même temps, c'est une discussion. Il est bien. C'est une discussion. C'est une discussion entre amis. Moi, en tout cas, j'apprécie le faire. Ah. Et si je n'appréciais pas faire un podcast, pourquoi le faire, en fait ? Je te pose la question. Alors, c'est une bonne question à laquelle je te ferai parvenir ma réponse en temps voulu. Ok. Par, la, par quel moyen ? Quel tout moyen de communication possible est convenu. Hein. Y a pas de, Tu veux dire comme la fois où tu m'as envoyé une photo du cul de ton oncle boursouflé, quand même, okay, parce qu'il y a, le soleil. Il y a une base à cette blague, quand même. En fait, mon oncle est venu en Corse et il s'est endormi sur la plage, visiblement. Et il avait le cul explosé par la chaleur, mais rouge vif et enflé comme ça. C'était ignoble. Et je me suis dit, ça. C'est une chose qu'il ne faut pas voir. Personne n'a envie de voir ça. Je vais l'envoyer à Vincent. Ouais, voilà, il me l'a envoyé sur par iMessage, par Messenger, par mail, par Snapchat, par tout ce qui moyen est possible. Tout ce qui est possible. Il y a une capsule temporelle que j'ai, enterrée dans mon jardin. J'ai enterrée, qui sera libérée dans 50 ans et il y a une photo de... Ah, j'ai pas hâte de voir ça. Incroyable, Spice Adams. Voilà. C'est fou. Ah non, mais on avait un sujet pour ce qui podcast. Qui était l'humour sur Internet. Voilà. Mais finalement, c'est un petit peu ça, l'humour sur Internet, c'est ce podcast. C'est, ouais. Je pense qu'on peut dire qu'on est peut-être le top 1 humour en France. Je pense que niveau humour, on fait ce qu'il y a de mieux. Ouais. Et je pense que c'est pas prétentieux dans le sens non. où c'est vrai, en fait. Oui. Et puis bon, pour rester dans la lignée de rester humble et ne pas lancer des pics à tout va, on peut dire que... Tout ce qui se fait ailleurs que chez nous, c'est de la merde. C'est de la grosse merde, c'est nul à chier. Mais sinon, à part ça, tout va bien. Mais ça... Bon. Ouais, on voulait parler de l'humour sur Internet. Ouais. Alors, quand tu m'as dit ça, moi, ça m'a fait penser à une chose. C'est... Alors, je l'ai vu récemment parce que... Enfin, c'est une vidéo qui m'y a fait penser récemment parce que c'est... Je regarde beaucoup... Codico, en ce moment sur YouTube, ouais. qui est un YouTuber américain que tu m'as fait découvrir d'ailleurs. Oh, tu sais, c'est vrai. Je l'ai tout fait découvrir. Quoi ? Attends, beaucoup de choses non. de ce que tu connais. Tu attends, est-ce qu'on peut faire un petit quart d'heure de gloire quand même ? À tout ce que... Mais attends, mais t'as vraiment besoin de ça ? Allez. Ouais, Quentin, ouais, tu m'as fait découvrir plein de trucs, yes. Vous savez, ça, c'est le respect, ça. Exact. Donc Codico. Ouais, voilà. Codico avait fait une vidéo où il parlait de l'humour d'Instagram et. Il est bon ton sprite. Attends, mais. Ah et il parlait de l'humour d'Instagram et qu'il y avait de plus en plus de vidéos. Les fameuses vidéos qu'on voit souvent où il y a le haut et le bas. Qui sont des bandes blanches avec du texte marqué dessus, du genre OMG, vous n'allez pas même, croire vos yeux, voilà. Et avec même, des smileys qui pleurent de rire. Et que souvent, c'était pas... En fait, à partir du moment où une vidéo utilise ça, c'est qu'elle n'est pas drôle, en fait. Je pense qu'il y a vraiment... Ça, c'est peut-être un peu lancer des pics et un peu incisif. À Internet, écoutez-moi bien, Nine Gag, je vais vous retrouver tout autant que vous êtes. Je vais vous disliker. D'accord, je regarde pas. Mais Nine Gag, c'est pas une personne. J'ai ouais. Alors, non mais en fait, je pense qu'on peut vraiment partir sur ce consensus à partir du moment où une vidéo qui se dit humoristique utilise bande blanche, typo noir, emoji, jamais drôle. J'en ai Ouais. jamais vu une seule où j'ai fait. En fait, c'est ce qu'il dit d'ailleurs, Codico, c'est que c'est souvent des vidéos où, c'est des toutes petites histoires et qui partent juste d'une minivan, du genre, je sais pas, moi quand je fais la vaisselle et que je reçois de l'eau partout sur mes vêtements, et du coup, le mec il fait la vaisselle et il reçoit 1 milliard de litres d'eau abusée Ouais. sur ses vêtements, et c'est souvent des trucs comme ça, quoi. Ouais, c'est. D'ailleurs, j'ai inventé cette vidéo, je pense que ça doit Je suis exister. sûr, c'est sûr. Ça existe. Tu serais un très bon, mauvais comédien Instagram. Yes. Vous savez, dans le pire, il est le meilleur. Mais effectivement, il y a ce truc. Non seulement c'est toujours abusé, mais en plus ça n'a pas, c'est vide de sens dans le sens où c'est vide de sens dans le sens où c'est le sang. C'est vide de sens car pour éviter de faire trop d'assonance et d'allitération, Oh là là. car je suis un Attends, peu. mais on est sur France Culture ou quoi? Bonjour à tous et bienvenue sur Poème FM. À partir de maintenant, toutes nos phrases seront récitées en rime AB AB. Bonjour à tous. Ça va ou quoi? Ça va ou quoi? Je. S'il y a de la mousse, ta bière ne la boit pas. Oh. Très beau, Michel. Magnifique. J'ai envie d'en faire une chanson. Ça pourrait s'appeler Ne bois pas ta bière, attends, car s'il y a de la mousse, il ne faut pas la boire, ce n'est pas agréable. Attends, mais c'est le titre de la chanson, c'est la chanson entière. Exactement. On dirait du Maître Gims. Oh! Oh! Tire à balles réelles par ici. Désolé, maître. Désolé, maître. D'ailleurs, il s'appelle plus maître, il s'appelle Jims. C'est vrai? Il C'est s'appelle plus Jims du tout tout maître court. Gims? Jims tout court, ouais. Et Jims, prononce Gims? Non. Ah, Jims? Ah, Jims. Jims? Ah, Jims. Jims? Jims? Jims? Jims? Zon, Jims? zon, Jims? Metal zon. Gear? Référence à le hardcore, bref, de Wow. Benzine, shout out. Je sais plus de quoi on parlait, mais Pourquoi tu lui as dit Shalapa? attends mec, ton vraiment en face de Apparemment, ça a du malin. ouais, en face de ta bouche. Oui. Vous avez vu ce qui est beau avec cette aventure, la bonne franquette, c'est que épisode après épisode, on se bonifie comme le vin, ça devient de mieux en mieux et peut-être Ouais. qu'un jour ça sera un potable, Bah d'ailleurs, un podcast on potable. a changé de décor Encore une complètement. fois. Avant, on était là. Maintenant, on est là. En fait, mais ce qui est bien avec la bonne franquette, c'est qu'on se prend pas la tête. Vraiment, Voilà, c'est parce c'est qu'on est à. On est la à. bonne franquette. Yes. Yes. C'est ce que je voulais que tu dises et Attends, tu l'as mais dit. de quoi on parlait déjà? De l'humour sur Oui, Internet. et en fait, le truc, c'est que quand ils font une vidéo comme ça, non seulement c'est abusé, mais en plus, ça se voit qu'ils brodent un scénario qui Oui. n'a aucun sens juste pour pouvoir faire la blague. Et si ça n'a aucun rapport, c'est pas grave en fait. Ouais. C'est juste comme ça, ils pourront dire, hey, franchement, On est des comédiens ou pas? incroyable, incroyable. Non, mais il y a beaucoup de ça. Alors, je sais plus, je crois que j'avais entendu ça dans un floodcast, je crois d'ailleurs, que 75% des Français se trouvaient drôles. Genre, humoristiquement parlant. Attends, je refais un AVC là. Ah, encore? J'appelle les urgences. J'appelle ton proprio pour qu'il appelle les urgences. putain. Ouais, 75% des Français se trouvaient drôles. Et dans le floodcast, C'était autant que ça? Parce que j'aurais juré c'est, en que. tout cas, dans mes souvenirs, c'était beaucoup. Tu vois? Ouais. C'était genre à peu près les trois quarts ou les deux tiers, un truc Putain, comme c'est ça. incroyable quand même. Et En tout cas, je peux dire que 100%, ils sont hautains là-dedans. en fait, il disait dans le podcast que en gros, voilà, enfin, il trouvait ça pas trop normal parce que il y a quand même, il trouvait qu'il y avait pas beaucoup de gens drôles. Mais moi, ce que je rajouterais à ça, c'est que je pense qu'on est drôle pour les personnes avec qui enfin, qu'on a dans notre entourage en fait, et le public qu'on a. Genre, je sais pas, un mec ultra beauf, tu vas le trouver pas drôle du tout, alors que dans son entourage de beauf, c'est le mec le plus drôle, tu vois. Et du coup, c'est pour ça qu'il se trouve drôle. Oui, Je pense qu'il y a, en fait, il y a vraiment différents types d'humour et de choses qui font rire. Nous, ce qui nous fait rire, c'est quoi? C'est le sarcasme, le second degré. Franchement, un bon prout, ça c'est toujours efficace. C'est toujours très drôle. Mais attends, mais la phrase que, quand même d'une clairvoyance incroyable, je pense qu'il y a différents types d'humour selon différentes personnalités. Ah, moi, j'ai envie d'en faire un podcast sur YouTube. Tu n'as rien à envier aux plus grands philosophes. C'est vrai. Là, c'est une belle analyse. Je pense qu'il y a différents types d'humour. Putain, c'est fou les conneries que je peux dire. Oui. mais en plus, je suis d'accord avec ça. Mais qu'est-ce que je te dis, c'est... S'il y avait un humour universel, un anniversaire de l'humour. Tu crois qu'il y a le jour de l'humour? Parce qu'il y a un jour à peu près pour tout, en fait. Ouais, bah il y a un jour. Pour... Attends, je vais encore regarder. Il y a le jour des oignons, donc. C'est vrai, il y a le jour des oignons. Ouais, en tout cas à Brumath, c'est sûr. Parce qu'il y a la foire de l'oignon. Wow. Alors je sais pas si ça part d'une dérive sexuelle quelconque à la base, mais. Le jour de l'humour. Ah, j'ai eu des images sales. Blague du jour, chaque matin pour rire. Allez, bah attends. Franchement, je suis sûr que c'est vraiment pas drôle du tout. Ça, c'est aussi ça l'humour sur Internet, c'est les sites d'humour. Mais alors, je vais te raconter une blague. Les trucs où il y a marqué humour drôle machin, c'est jamais drôle. C'est incroyable. En fait, quand tu précises que quelque chose est censé, est-ce que c'est Ouais. Ou est-ce que c'est censé être? C'est jamais le cas. Rarement. En fait, je sais pas. Il y a une variable qui fait que chez les mauvais trucs, c'est mauvais, tu vois. Mais par exemple, quand tu dis un ordinateur performant, bon, performant, ok, tu vois. Oui. Mais par exemple, une blague drôle... Non, parce que performant, mais ça dépend pour qui. Pourquoi, aux yeux de qui. Ouais, ouais, c'est vrai. Il y a souvent ça. En fait, on revient à ce que tu disais. Ça dépend de ton environnement. Exactement, ça dépend de plein de choses. J'en avais aussi un. Et genre, tu sais. C'était ultra saturé. Quoi? J'en avais un prof d'économie en DUT ouais. Qui nous avait dit que. Tu sais qu'on le dédicace dans tous les épisodes, on en a déjà parlé dans l'épisode d'avant. Ou c'est celui il y a deux épisodes. Ah ouais, pardon. Okay. Mais il disait, je sais pas si vous avez remarqué, je crois qu'il avait commencé sa phrase comme ça. C'était normal. Mais, quand un magazine, par exemple, dit le mot moderne dedans, mec, c'est jamais. J'ai dit ça exactement, mot pour mot, oui. Dans le Y'a deux podcasts. Ah je bon te jure, je l'ai... Ah, tu l'avais dit ? Ouais. Ah, je pensais que tu me l'avais dit en dehors. Ah mince. Ok. On parle tellement tout le temps qu'on ne sait plus ce qui est dit ou pas. Alors on n'a pas beaucoup de sujets et du coup... Et on tourne en rond. D'ailleurs, t'as vu, je suis pieds nus. Alors, blague sur dans une pharmacie. Sur dans une ? Écoute, c'est ce qui est écrit, vraiment... Hein. Non, c'est vrai. Si, regarde. Blague sur dans une pharmacie. Dans une pharmacie, une seule cliente, une très jolie fille en train de se peser. Contrariée par le chiffre qui apparaît, elle quitte son manteau et remet une pièce. Quoi ? Encore déçue, elle enlève son pull et ses chaussures et remet une pièce. Toujours mécontente, elle ôte sa robe, alors le pharmacien, la main pleine de monnaie, s'approche d'elle et lui dit avec un large sourire « Continuez et ne vous en faites pas, à partir de maintenant, c'est moi qui paye ». Parce qu'elle est nue, en fait. Ouais, j'ai bien... Alors, en fait, je crois que ça doit être, du coup... Oui, en fait, une machine une balance où tu payes pour te peser. J'ai jamais vu ça. Ça n'existe pas. Ça la personne qui a inventé cette blague a inventé un objet exprès pour pouvoir faire la blague. Il s'est dit, merde, comment je pourrais faire en sorte... En fait, c'est un comédien Son Instagram. Son but, c'était qu'une femme soit nue et qu'un homme ait envie de voir bon, ça. Bon, il faut que j'arrive à une situation où une femme est nue. Que faire alors il faut une pharmacie waouh putain mais là, il s'est vraiment cassé la tête pour inventer ça. Je vais juste relancer la caméra, je reviens tout de suite. Top, voilà. Ouf, bon à chaque fois on est ouf. Ouf, j'ai fait 2 mètres. Quel bravo. Sport ah bravo Levo qui finit dans nos assiettes. Alors ouh ah ouh attends, t'es le backer d'un rappeur, non? Je suis Roberto. Ok, je vais dire des phrases et tu dois faire les backs, ok? Ok. Bonjour à tous, bienvenue dans la bonne franquette. Quête. Les bacs les plus nuls. Bonjour à tous, bienvenue dans la bonne franquette. Quête. Ouais, mais c'était juste pour faire la blague avec quête. Tu sais... C'est tout. C'est pas vrai. Si, je te jure, mais c'est juste que j'ai ripé, j'ai dit quête. Et du coup, ça marchait pas. Mais à la base, non, vraiment, je suis vraiment pas fait pour la musique. On en parlait tout à l'heure. C'est vrai que c'est incroyable. Vincent n'a pas le sens du rythme. J'ai pas l'oreille musicale. Il n'a pas la mélodie, rien. Non, mais quand on était en musique au collège, la prof nous disait voilà, je vais vous passer un morceau et vous allez essayer de deviner, enfin d'écouter et de reconnaître les instruments. J'en avais jamais aucun. Vraiment, il y avait des trucs de guitare et tout. J'étais là, waouh, c'est quoi? C'est de la trompette. J'étais vraiment nul. Un con, quoi. Ça, c'est incisif. C'est un peu incisif, mais je regrette pas. Ça, c'est très incisif. Ouais, l'humour sur Internet. Moi, je dois dire que je pense que les pires trucs d'humour, on les trouve quand même sur Snapchat. En story notamment. J'avoue, je regarde pas du tout. Mais il y a des influenceurs humour sur Snapchat qui sont probablement. Attends, mais là on va encore partir sur du clash. Ah, mais moi je suis pas là pour me faire des amis. Hein. Ah, je te le dis. Ah, tout, ouais, je suis là pour dénoncer. Je rappelle, j'ai un blog qui s'appelle Je dénonce.fr. .com d'ailleurs. Mais bon. Partout, on est international partout. D'ailleurs, ça va toi? Yes. C'est la deuxième fois que tu dois me serrer la main parce que tu sais pas parler. Je sais pas quoi dire. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Thierry. Ça fait maintenant 6 ans que. Oui. Attends, t'as retenu un rôle là? Non. Il a retenu un rôle. C'était quoi ça? Je sais pas. C'est... Attends, c'était un bruit de langue? Ah non. C'est immonde. C'était un rôle. Bref, c'est vrai? Oui. Attends, mais comment t'as pu faire ça? Je sais pas. C'est après, les lois de la physique qui nous dépassent. En même temps, je suis pas sûr que tu veux pas. J'ai envie de ça. Ouais. Bonjour, ça va vous? Ouais, les influenceurs, humour, Snapchat, c'est vraiment un monde à part. Je veux pas citer de nom quand même parce que je suis pas là pour cracher sur le travail des tu gens. Tu veux vraiment dire Mohamed Denis? Qu'est-ce que t'as en tête depuis tout à l'heure? Franchement, j'ai trop peu suivi son personnage et ce qu'il fait pour apprécier ou pas, mais je le déteste. En fait, franchement, c'est... Non, mais t'as raison, on va pas citer de nom. C'est... Ouais, voilà. Juste pour finir sur ça, la blague, c'est... Il casse des télés. Ouais. Et ça, c'est la blague, ça. À chaque fois. Non, mais il fait des jeux de mots aussi avec le nom des joueurs et tout. Genre visiblement, ça a l'air bien puisque tu t'en souviens. Genre Mbappé, il a une tête de noisette, t'as remarqué ça quand même? C'est vrai que c'est un jeu de mots. Tête de noisette. C'est un bon jeu de mots ça. Eh, c'est plus... Il pourrait faire les bacs de la bonne franquette. C'est plus Germain, c'est Germaine. Ouf, oh là là là là, quel enfer. C'est tellement nul. C'est vraiment pas drôle. Oh là là, et dire qu'il y a des gens qui trouvent ça drôle. Enfin, après, tant mieux, tu vois. Si ça peut déstresser des gens et tout, pourquoi pas, mais. Je veux dire, si le gars est capable d'inventer un personnage, de rester dedans, parce que je regarde parfois sur Twitter, je vois ses tweets passer. Et shout out Twitter, pire réseau social du monde, on est ensemble, gros. Je te déteste. T'es vraiment toujours en train de clasher. En fait. Attends, Twitter, c'est bien? Non, c'est vraiment pas bien, c'est l'enfer sur Terre. On est d'accord. Mais ouais, voilà, c'est. Non, mais tout est sur Twitter, vraiment. Tout... J'ai l'impression que l'humour, c'est vraiment rabaisser les autres, tout le temps. C'est ça. Après, c'est aussi la mentalité française. Comme vous avez pu le voir avec mon précédent personnage, qui était vachement dans... Vachement. Il est drôle, ce mot, vachement, non? Parce qu'on a aucun autre mot qui est lié de près ou de loin à un animal, tu vois. Par exemple, tu dis pas chiennement, tu vois. Chiennement. Après, tu peux dire elle a du chien. Elle a du chien. Elle a eu chien. Quelque part, elle a même presque du chien. Mais ouais, enfin bref. Ouf, on s'égare. C'est Hélène vrai. Ségard. Hélène Ségard. Par contre, ce qui est bien avec Snapchat, quand même, c'est l'humour que ça peut créer en privé. Parce que depuis que ce réseau social existe, il y a quand même... Enfin, je me suis... comment dire? J'ai reçu plein de vidéos extrêmement drôles de mes amis qui se mettent en scène avec des zooms ou qui font des mini-histoires et tout. Et franchement, il y a moyen de régaler la galerie, de faire rire les petits comme les grands. C'est vrai. La création de contenu, qu'elle soit, j'ai envie de dire, publique, à grande échelle, style YouTube, ou en petit comité que tu envoies à tes potes, et accessible aujourd'hui. Et n'importe qui peut très facilement faire des mini-sketchs ou des blagues, en fait. Ouais. Et c'est fou parce que... Alors malheureusement, moi, je suis totalement passé à côté de Vine. C'est-à-dire que quand Vine est sorti et que ça cartonnait, genre tout le monde en parlait, vraiment... pourtant, en toute franchise, j'ai toujours été assez présent au niveau des technologies qui sortaient sur Internet et tout. Tu vois, les sites qui ont bien marché, j'étais toujours là. Vine, la plus grosse merde, je me suis toujours dit, attends, mais je comprends pas, 6 secondes, machin, etc. Je suis totalement passé à côté et je regrette parce qu'aujourd'hui, je me dis quand même, réussir à faire un sketch en 6 secondes pour qu'il marche, c'est quand même une épreuve de force. Et Et il y en avait beaucoup qui étaient très bons, franchement. Ouais, je vois parfois des compilations et je regrette vraiment d'être un gros con qui est déjà un dinosaure de la technologie quelque part. Ouais, la plupart du temps c'était pas dingue, mais des fois tu tombais sur des pépites. Après, j'avoue que j'utilise pas du tout TikTok et je sais pas si c'est un peu le nouveau Vine ou un truc comme ça, la nouvelle C'est tendance devenu un Vine, peu le nouveau parce que Vine. c'est vraiment très tendance en ce moment chez les Ouais, jeunes. ça de plus en plus. Mais le problème Alors de que TikTok, on c'est que rappelle, il y a des c'est... pédophiles dessus. Hein. TikTok, n'hésitez pas à nous sponsoriser, Ah, yes. vous et vos pédophiles. Alors oui. Le problème de TikTok, c'est que c'est trop encadré, en fait. Vine, Tu le pouvais seul faire. principe, c'était que tu pouvais Il y a couper 6 secondes. et t'as 6 secondes, c'est tout. Alors que TikTok, t'as des musiques, t'as des filtres, etc. Et du coup, en fait, tout se ressemble un peu, quoi. Après, Il y a quand même quelques trucs ouais, qui sont que originaux, j'ai mais vus vite fait, mais... ouais, je. C'est un peu trop encadré, en fait. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais j'ai un peu l'impression que c'est aussi un peu la création de contenu sur Internet. Parlons seulement de l'humour, puisque c'est Le sujet du On fera une podcast. deuxième partie parce que malheureusement là on tourne pas beaucoup. On a décidé de faire une formule un petit peu plus courte parce que c'est vrai que 1h20 c'est peut-être un peu indigeste. Là on va être sur du 35-36 minutes, donc plus que 4 minutes restantes. Ah, vite. Voilà, vous nous direz si vous appréciez ce petit format un petit peu plus court qui reste confus. Est-ce qu'on essaye? Est-ce qu'on est toujours dans une discussion qui vole au gré du vent et de la passion? Ou est-ce que la prochaine fois on essaye de faire quelque chose qui est potentiellement un peu plus travaillé, Bah, enfin on peut construit, tenter disons. en fait, on peut tenter d'avoir peut-être des mini-rubriques Des ou des mini-rubriques. mini-lignes directrices. On peut faire ça parce que les deux épisodes qu'on avait le plus travaillé, qui étaient celui d'Halloween et celui des rappeurs là, Ouais. sont ceux qui ont le mieux marché. Alors bon, toi tu vois que les chiffres en fait. J'adore l'argent. J'adore l'argent. Dès qu'on peut être rémunéré pour quelque chose, toi t'es là. Hein. Ah, moi, je vends tout, Est-ce donc. que tu ferais une file d'attente pour être rémunéré? Comme le C'est-à-dire? proposent en service certaines personnes. Comment ça? Tu peux payer quelqu'un pour qu'elle fasse une file d'attente que tu veux pas faire à ta place. Ah ouais? Ouais, Putain, ça c'est existe. incroyable. C'est fou comme. C'est un truc qui existe qu'aux States, ça, non? C'est possible, je C'est pense. incroyable. Les États-Unis, ils ont une idée. Et si on faisait de l'argent avec? Enfin, c'est vraiment genre, il y a l'idée, comment la rendre mercantile? C'est vraiment toujours les deux étapes, quoi. Putain, c'est ouf, ça, je savais pas. Y a pas mal de choses comme ça. Allez, vas-y, viens, on invite Louis C.K. C'est vrai? Et on fait la controverse. Alors, masturbateur fou, ou alors, qu'est-ce Ou que. alors génie de l'humour. Ou les deux. L'un n'empêche pas Le l'autre. masturbateur de génie, peut-être. De génie très drôle quand il se masturbe. C'est vrai. Il est peut-être très drôle quand il se masturbe. Tu sais, le gars se touche et il raconte une blague. Mais en plus, le pire, Mais c'est la meilleure blague. elle est drôle, tu vois. Genre, tu rigoles, mais en même temps, le gars est à Walper en train de se toucher. Ça doit être une Waouh. situation où tu sais pas. Probablement, je pense, tu sais, tu. Je pense que tu vois plus le fait qu'ils sont en train de se branler plutôt que de l'écouter parler. Je sais pas, franchement, on a tous un zizi, on a tous une zézette, on est tous fait Oui, pareil. après, il y a viol et viol, quoi. Waouh. Non, bien sûr, effectivement, si cette personne, parce que moi je j'ai pas tellement suivi l'affaire, et si j'ai bien compris, tout n'est pas forcément avéré. Je... Bon, évitons de tirer des conclusions. Nous ne sommes pas juges. Macron démission, quand même. Gilets jaunes. Voilà. Non, mais effectivement, si il a fait quelque chose de mal, chais sur lui, à Louis C.K. Mais il faut quand même dire qu'il était très drôle. Il était extrêmement drôle. Excessivement drôle. Après, effectivement. Je pense que c'est peut-être Dave Chappelle. Je pense c'est. Avec Dave Chappelle, c'est les deux meilleurs, je trouvais, mes deux préférés. Ouais. Et peut-être Dave Chappelle. Je pense qu'il y a un spectacle de Dave Chappelle. J'ai jamais autant ri devant un spectacle, je pense. C'est lequel? C'est celui où il se touche dans sa maison, là, à la fin. Oui. Et où il parle de Pussy Juice. Pussy. That's Pussy Juice. Incroyable. Ah, il a vraiment des mimiques excellentes. Trop drôle. Ouais. Mais bon, après, c'est les plus connus. Il y en a plein d'autres, en vrai. Hein. Ricky Gervais. Shining Tatum. Ça m'a fait penser à quelque chose, mais je vais peut-être pas en parler. Malite. Comme dirait le Texan. La mienne, parce que la tienne, je... Ah, la mienne, je peux te dire qu'elle est, hein. Un bon gros braquema. Oh putain, c'est vraiment le podcast le plus aléatoire. Mais on dit ça à chaque podcast, et pourtant les gens adorent. Regarde les commentaires qu'on a. Qui sont au nombre de... Il y en a pas. C'est vrai. Ah là là. Ah, l'humour sur internet. Putain, il faudra qu'on fasse. Putain. Alors, il faudra qu'on fasse un deuxième épisode parce que je pense que c'est très intéressant de parler d'humour. Mm. Surtout que nous, on n'est pas des professionnels. Je pense qu'on a quand même un sens de l'humour qui est assez aiguisé. Est-ce que tu te trouves drôle comme 75% des Français? Je pense que je suis plus drôle que 75% des Français. Non, mais en vrai, parce que. Nous, on a fait cette recherche d'aller chercher, tu vois, différents types d'humour, de travailler un peu ça, tu vois. Genre le nombre de fois où on fait des blagues qui bident, tu vois. Enfin, toi, ça t'arrive, par exemple, tout le temps, en fait. Jamais, j'en fais tout le temps. Du coup, ça veut dire que je suis extrêmement drôle, c'est ça? Alors, dans quelques années, quand t'auras bien travaillé, ouais. Ok. Mais là non. Non, mais en fait, je pense que... Finissons sur ça, il nous reste deux minutes. On a un peu grandi de la même façon, à savoir en... Tic-tac. Ah, je déteste ça, d'accord? J'ai l'impression d'être dans Fort Boyard, là, la clé, elle est où? Sors. Ah, la clé. La clé. Eh, passe partout, file la clé un peu. Putain, d'ailleurs, je vais... Qu'est-ce qu'il y a? Je me suis fait mal au pied. Ça va, toi? Oui. D'ailleurs, en parlant de clé, je suis passé, je sais plus pourquoi, récemment, sur le 18-25, par rapport encore à une connerie qu'ils avaient faite. Et du coup, je me suis baladé un petit peu dans les forums pour voir un petit peu ce que pondent nos chères telles blondes. Oui. Et tu vois le mot « rey ». Rey. Bah, eux, ils ont transformé ça en clé. Ouais. Donc, salut les clés. C'est incroyable. Franchement, c'est drôle. Il y a quelques trucs qui sont drôle. Pas mal. Sur mais c'est quand même 95% de Twitter en condensé. Ouais, mais après ça va en fait parce qu'ils sont méchants, je sais pas, peut-être entre eux plus. Ouais, c'est vrai. Il y a beaucoup de raids. Ils ont fait beaucoup de conneries, cool, ouais. Mais bref. C'est vrai. C'est moi ce qui me passionne avec l'humour chez eux, c'est que ils ont les mêmes mèmes depuis genre 10 ans et ça les fait toujours tant rire. Genre, ils ont Rizitas là, le gars qui fait l'espagnol qui parle. Des trucs comme ça. Noël, app, tout ça là. Ouais. Alors que toi, quand tu regardes un truc sur Twitter, tu sais, au bout de deux semaines, le c'est même passé. T'en peux plus, tu vois. Ouais, dès que ouais. tu le vois, tu dis « Ah, je Genre souffre !» Genre si je te dis, par exemple, « Qu'est-ce qui est jaune et ah, qui est jaune ?»« Ah, je souffre !» Par contre, je sais pas. Bah, Jonathan. « Rends-moi mon Tortank !» Autopromo. ASMR. Écoute, très cher Vincent, il est trop... Attends. Non, non, il est 30 minutes. Il reste une minute. Écoute, je voulais parler, tu m'as coupé. T'as 50 secondes. Ok, bah alors, je voulais dire qu'on a un peu grandi pareil, c'est-à-dire on était beaucoup sur Internet, sur les forums, sur YouTube, en ce qui concerne l'humour. On a vu un peu les mêmes choses, on a regardé dans les tréfonds de l'humour, on a vraiment cherché les YouTubeurs qui nous faisaient le plus rire. Et au final, se dire que le plus drôle était Adrien Méniel. Merci Adrien Méniel. C'est vrai, il a raison. Et en fait, on s'est rendu compte que ce qui nous faisait beaucoup rire tous les deux, c'était le sarcasme. Et je pense que c'est ironie. Ce à quoi on va quand on aime vraiment beaucoup l'humour. Quand on essaye de tout voir, on se dirige un peu vers le sarcasme, le second degré, l'ironie, tout ça. Parce qu'en fait, c'est l'humour le moins facile à faire comprendre, à écrire. Les trucs qui sont très premier degré, c'est tout le monde peut les faire, en fait. C'est ça, parce que le sarcasme, t'as toute une notion de... Tu dois jouer sur l'intonation, sur les pauses dans les phrases, sur comment la personne va comprendre la blague. Donc, il y a une espèce d'anticipation sur la blague et surtout une espèce d'anticipation de la fin de ce podcast, parce qu'on arrive vraiment à la fin de ce timer. Donc, on va vous remercier. On espère que vous... Que ça vous a plu. Vous allez... bien dormir. Ouais. Oh, surtout dormez bien. Dormez bien, ok. Ouais. Dormez bien, ouais. Ne faites pas une plantain avec crepon, là. Ouais, je ne suis pas un exemple à ce niveau-là. Sauf si vous voulez mourir très jeune. Cet homme a dormi 3 heures cette nuit. Vous voulez faire comme lui ? Vous voulez lui ressembler ? Non, personne ne va ressembler à ça. Regardez-moi, les sœurs. Je suis un zombie. Prenez soin de vous, à la prochaine. Ciao.